la pause interview sur Radio Côte Basque avec la rubrique spéciale Esprit vivant. Et nous accueillons aujourd'hui Adrien au micro de Bruno Fleury. Bonjour Adrien, bonjour Alain et merci de nous rejoindre sur Esprit vivant. Bienvenue aujourd'hui, bienvenue à toi Adrien. Adrien, tu as choisi de te reconstruire par le sport. Aujourd'hui, tu prépares des épreuves de très haut niveau et tu construis un nouveau projet de vie. Adrien, tu es avec nous et je te remercie d'être présent. Tu es donc un ancien militaire. Donc la première question va être, pourquoi l'armée au départ ? Eh bien, bonjour à tous les deux. Merci pour cet espace de discussion et ce moment de partage. Donc, pour répondre à cette question, pourquoi militaire ? Ben moi, ça s'est fait tout simplement. Hein. J'ai un frère qui était au sein des forces spéciales et qui a quitté seulement l'année dernière. J'ai trois frères dans la police aussi, donc une grande fratrie, beaucoup de testostérone. Donc l'uniforme était important pour vous en famille ? Ouais, tout à fait, tout à fait. J'ai grandi autour de ça. Le choix s'est longtemps posé dans ma tête entre la police ou l'armée. Mais voilà, je me suis tourné naturellement vers l'armée et surtout ce monde des forces spéciales et des unités d'élite, quoi. Donc si je comprends bien, en famille, il y avait une grosse notion de mission et de fraternité. De fraternité, oui. De mission, non, on n'en parle pas plus que ça. Mais oui, c'est un milieu, voilà, j'ai grandi au milieu d'un milieu masculin et ça m'a porté, ça m'a... En tout cas, ça m'a donné envie et c'était tout naturel pour moi d'aller vers ce domaine. Ok, et si tu avais peut-être un mot qui définit un petit peu cette période de ta vie au moment où tu t'es engagé, quel serait-il ? Waouh ! Pas facile, hein ? Non, pas facile. En fait, quand on s'engage, est-ce qu'on cherche le risque ? Est-ce qu'on cherche du sens à sa vie ? Pourquoi on s'engage finalement ? Alors moi, je dirais que ce serait plus pour le côté adrénaline, aventure. En fait, aller découvrir du pays et découvrir ça dans un esprit de cohésion. Oui, forcément. Donc, tu as fait partie effectivement des forces spéciales. Et puis, donc, tu as beaucoup bourlingué, été en mission à gauche, à droite, sur des opérations pas toujours très drôles. Et puis, il y a eu ce moment où tout a changé, où tu as dû te libérer un petit peu de ça. Et le moment du basculement, sans entrer dans les détails, pourquoi il y a eu ce basculement et que tu as choisi de quitter les forces spéciales ? Alors, moi, ça s'est fait, pour mon cas, je parle que seulement pour mon cas à moi, moi, ça s'est fait un peu à rebours. En fait, je vois ça un peu, j'aime beaucoup imaginer les choses. Moi, je vois ça un peu comme chacun a son vase, a son contenant de différentes tailles pour chaque personne. Dans ce vase, on vient y mettre forcément son expérience professionnelle. Oui. Ce qui, dans l'effort spécial, forcément, c'est quelque chose de très engageant. On fait beaucoup de sacrifices. Personnel, familial. Voilà, c'est un métier de passion. Donc, dans ce vase, on vient y mettre toute cette expérience professionnelle. On vient y mettre aussi, forcément, sa vie perso, qui n'est pas toujours rose. Et bien sûr, on vient y mettre aussi les expériences et donc les traumas. Et suivant la taille du contenant de chaque personne, ce vase vient déborder à un moment donné, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc moi, ça s'est fait un peu à rebours parce que finalement, les missions qui m'ont laissé des séquelles étaient en 2019 et j'ai quitté seulement en 2023 parce que voilà, je mettais les choses un petit peu sous le tapis. Pour moi, j'avais encore des choses à vivre et j'avais envie de continuer, donc on force un petit peu et j'ai pas écouté les signes avant-coureurs et j'ai prolongé jusqu'à un moment où ça a débordé et là, par contre, oui, c'est un peu pété, un peu explosé en fait. Oui, tu es retourné en mission, tu es reparti. On est un peu aussi pris dans les forces spéciales, pas dans un engrenage, hein, surtout dans des régiments très actifs sur les territoires étrangers. On n'a pas trop le choix non plus de suivre ces missions. Et c'est surtout que, c'est hyper prenant. On a l'habitude de dire que c'est un peu une machine à laver, on se fait un peu essorer là-dedans, mais on y trouve notre compte, on adore ça aussi. Hein, donc, voilà, maintenant il faut trouver le juste milieu et placer le curseur où il faut. Voilà. Et donc un jour, tu as décidé de ne plus subir et de te relever. Et c'est ça un peu. Ah, disons que j'ai pas eu vraiment le choix. Hein. Ouais. C'est que c'était trop compliqué. Là, c'était il y a eu un moment où j'ai touché le fond. Donc moi, j'étais en mission en plus, hein, donc j'ai été du coup rapatrié. Oui. Et depuis ce jour, d'ailleurs, j'ai jamais remis les pieds au régiment. Mmh. J'ai vraiment énormément coupé avec l'institution militaire. Hein. J'ai pas de rancœur. Oui. Pour autant, hein, ça m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui. Mais par contre, j'ai pris la décision de vraiment couper et me diriger vers des institutions, en fait, des centres médicaux qui sont civils. Oui. Et aujourd'hui, hein, par exemple, ici, sur la côte basque, c'est à Anglet. Oui. L'unité Cap Civi qui fait partie de la clinique Mirambeau. Oui, bien sûr. Et voilà, il y a un travail qui est vraiment fait avec des thérapeutes qui sont exceptionnels. Tu étais en contact peut-être avec les organisations des maisons Athos ? Alors moi non. Mais c'est mon choix. On me l'a proposé. Hein. Oui. C'est mon choix personnel de ne pas le faire parce que je voulais vraiment couper avec ce monde militaire. Quoi. Ce qu'on peut tout à fait comprendre et c'est tout à fait légitime. Et puis est venu ce moment où tu as décidé d'aller vraiment vers le sport. Alors c'est vrai que dans les forces d'action rapides et dans les forces spéciales, on fait beaucoup de sport. Donc tu avais déjà un physique et un mental prêt pour le sport. Mais pourquoi tu as choisi spécialement le sport et quels ont été tes premiers entraînements après cette blessure psychologique ? Eh bien, effectivement, donc du coup, de par mon passif, j'ai toujours été sportif. Hein, toujours, on a tous un petit peu ce petit côté bigorexique dans l'unité. Ouais, c'est clair. Et donc, tout naturellement, en fait, quand on se retrouve au fond, on peut vite sombrer vraiment très profondément et tomber dans certaines addictions. Moi, j'ai fait le choix de me plonger dans le sport, en fait. Et bon, dans un premier temps, ça a été complètement décousu. Je faisais un peu n'importe quoi. Je faisais beaucoup de crossfit, mais je faisais 2-3 séances par jour. Enfin, oula, oui. Ouais, c'était vraiment énorme. Mais j'avais besoin de ça parce que je dormais pas et j'avais besoin de cette fatigue pour pouvoir m'épuiser, en fait. Et finalement, c'est en suivant un ami sur les réseaux sociaux qui préparait une course de 400 km de trail. Ah ouais. Voilà. Du coup, je le suivais dans sa prépa et sa course à travers les réseaux. Et à un moment, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais c'est ça en fait qu'il me faut. Il me faut un objectif sur le long terme, enfin moyen long terme, et en fait qui me permette d'avoir un cadre d'entraînement, me permettre de poser une routine et d'éviter de partir dans tous les sens et faire n'importe quoi, et du coup de préserver mon corps et mon esprit. Voilà. En somme, si on comprend bien, le sport te redonne une structure dans la préparation, un peu dans la préparation physique et athlétique, te redonne de la confiance en toi, et également l'adrénaline qui est importante pour toi, puisque tu as toujours vécu avec de l'adrénaline. Eh bien, bon, l'adrénaline, pas forcément, parce qu'en plus, j'ai choisi des sports d'endurance, donc j'ai pas, y a pas cette notion d'adrénaline pure. Par contre, effectivement, on peut revenir sur la question. Oui. Est-ce que le sport t'aide à te structurer dans ta préparation et te redonne confiance finalement dans le fait de que tu puisses y trouver des ressources importantes et effectivement, tu disais tout à l'heure, j'en avais besoin au départ pour me fatiguer, pour pouvoir dormir. Aujourd'hui, c'est peut-être certainement moins le cas, mais tu en as besoin. Tu as besoin de cet exercice physique pour t'accompagner. Bon, en fait, disons que déjà, dans un premier temps, ce qui est très important, c'est la thérapie médicale. Être encadré par des professionnels de la santé. Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est le point primordial. Malgré tout, moi, je sais que les rendez-vous, ils étaient hebdomadaires. C'était toutes les semaines. Donc il y a un travail qui est fait là-dessus, mais ça fait pas tout en fait. En parallèle, y avait toujours les ruminations, les angoisses, et du coup j'avais ce besoin de m'occuper l'esprit, et donc le sport pour moi a été salvateur en fait. Ouais. Vraiment ces heures passées en selle, à courir, à nager, en fait c'est du temps où je suis occupé sur mon entraînement. Et j'ai pas la tête qui part à droite à gauche dans des pensées très noires. Ouais, c'est vrai, ça se sent d'ailleurs quand ensuite ton compte Insta, on te voit sur ton vélo, on te voit en train de faire du sport et on te sent apaisé quelque part dans ces moments-là, même si on te voit aussi un peu en souffrance quelquefois parce que c'est difficile, mais on a vraiment l'impression que ça t'aide et que finalement tu prends ton pied quoi. Mais en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que dans ces sports d'endurance, en fait, on vient y passer tellement de temps, on est seul avec soi-même, et en fait, c'est un peu ce que je venais chercher. C'est du coup beaucoup d'introspection. Et finalement, je rentre, pour avoir pratiqué auparavant la méditation, chose que j'avais du mal à faire avec mes traumas. Et là, le fait d'être actif, en fait, je rentre dans une sorte de méditation en étant dans mon effort. Introspection, quoi. Introspection. Voilà, donc ça, c'est une part bénéfique de la chose. Et la deuxième, paradoxalement, c'est aussi que c'est long, c'est dur, ça fait mal. Et quelque part, j'aime aller chercher cette gestion. Et c'est la souffrance, en fait. Cette gestion de l'effort et cette gestion de la souffrance. Et dans la souffrance, qu'elle soit psychologique ou physique également, par le sport, est-ce que tu as eu accès à une aide en préparation mentale ou des choses comme ça? Alors, non. Moi, non. Parce que je me sers de mon passif, en fait. C'est justement mon carburant. Je me sers de tout ça, de mes expériences passées, de tout ce que j'ai pu vivre au sein de l'institution. Et voilà, c'est mon moteur à moi. Donc j'en ai pas ressenti le besoin, mais effectivement, ça pourrait être un plus énorme. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on a reçu des sportifs et d'autres militaires qui nous ont effectivement partagé le fait que ça avait été une belle aide. De pouvoir être accompagné, pour le coup, sur la partie préparation mentale en vue d'objectifs. Donc là, tu as atteint un niveau important dans le sport, dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont tes objectifs aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes sportives que tu prépares? Bon alors, ouais, juste sur le niveau important, non, justement, je n'ai pas cette prétention, mes performances n'ont rien d'exceptionnel. Je passe beaucoup de temps à m'entraîner, mais il y a rien de. Je touche pas les podiums et je n'ai pas du tout le niveau d'un sportif de haut niveau. En fait, c'est quand même un très très haut niveau parce que si tous les auditeurs qui nous écoutent n'ont pas forcément la capacité de pouvoir faire tout ce que tu es capable de faire, ne serait-ce qu'en une journée. Ton sport d'une journée va être pour nous tous un sport peut-être d'une semaine voire plus. C'est ça. Oui, qui est mais fou. Je pense que c'est dû à mon passif, mais je veux surtout pas. L'idée en fait, c'est que moi, je suis parti sur l'ultra distance. Parce que j'ai un passif sportif, j'ai un passif avec justement on parlait de la préparation mentale, mais je sais que là-dessus je suis un peu blindé, je suis assez aguerri. Donc c'est ce qui faisait sens pour moi d'aller chercher des gros challenges et de sortir de ma zone de confort. Maintenant, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'on n'a pas besoin d'être exceptionnel pour vivre l'exceptionnel. Maintenant, la personne qui n'est pas bien chez elle, qui est dans son canapé, qui est sédentaire, le fait de se lever, enfiler ses baskets, passer le pas de sa porte, l'aventure, elle est au bout de la rue, quoi. Ça peut être aller préparer un 5 km. Mmh. Et le tout, c'est de mettre les choses en mouvement, en fait. C'est ça qui est très intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais et à la fois de pouvoir se dire ok, je suis capable, quoi. Ultra trail, ça demande quand même une préparation énorme, intense, tant sur la partie psychologique, la partie physique, mais aussi la partie nutritionnelle, qui est importante quand on court sur des distances aussi importantes. Oui, la nutrition. Ouais, effectivement, mais moi j'ai l'habitude de dire que la nutrition, ce serait la quatrième discipline du triathlon, quoi. Ouais, enfin, en tout cas sur de la longue distance. C'est vraiment un... Bon, d'ailleurs, je suis pas très bon là-dessus. Moi, tu cours pas avec un sandwich burger dans la poche, j'imagine. Je pourrais. Ah, tu pourrais. Bon, très bien, écoute. Pourquoi pas, on peut essayer de trouver peut-être des partenaires pour t'accompagner là-dessus. Ouais, et s'il y avait... quelle serait la valeur qui te porte aujourd'hui vers ce sport et vers ces compètes là, parce que tu sais quoi la prochaine étape, la prochaine compète ou le prochain trail sur lequel tu t'es engagé? Alors le prochain là, donc c'est le le prochain majeur, en tout cas, parce qu'il y en aura d'autres intermédiaires dans le cadre de la préparation. Mais le majeur, c'est le T24 à l'île de Ré, qui est le week-end du 13 juin. Là, c'est un triathlon de 24 heures qui se compose de 4 heures de natation, 12 heures de vélo et 8 heures de course à pied. Ouais, quand même, c'est rien, quoi. Bon, ça demande un petit peu de préparation. Oui, un petit peu, ouais, quand même. Et donc l'idée, c'est ça peut se faire en équipe, hein, de 2, 4 ou 6, mais oui, aussi en individuel. Et donc moi, j'ai fait le choix de le faire en individuel, quoi. Voilà. Donc, dans tes séquences, forcément, vélo, course à pied, natation, tu trouves des endroits ici pour pouvoir aller nager. Tu nages en mer, tu nages en piscine? Là, sur la saison hivernale, j'étais exclusivement en piscine, mais oui. Là, ça y est, maintenant, je vais commencer à intégrer de la natation en eau libre. Effectivement, bah, moi, je suis dans les Landes, donc je vais beaucoup au lac d'Osgore et dans le canal. De temps en temps, je pousse au lac de Guiche, mais oui, j'arrive à trouver. Ouais. Sur la partie de natation, tu as peut-être déjà pu échanger avec Chomin Dachary. Je l'ai croisé sur une matinale. On va se voir prochainement et qu'il, pour le coup, est complètement c'est hors norme ce qu'il fait, hein, puisque là, il prépare un Monaco Tour de la Corse retour. C'est vraiment une grosse compète. Ce sont des efforts exceptionnels. C'est vraiment fou. Et est-ce que par le sport, quelle peur tu as pu dépasser, en fait? Le sport t'a aidé à te reconstruire, à poursuivre, mais t'a aidé aussi à te dépasser, à te reprendre en main et te dire, bon, allez, je vais pas m'écrouler, je vais y aller, je dépasse ma peur et j'y vais, quoi. Je donne tout à fond et je vais préparer, parce que je vais venir juste derrière, un projet professionnel en lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, je sais pas si c'est vraiment des peurs, mais par contre, moi, c'était plus l'idée de, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une structure, de me donner une routine, parce que sinon, on peut vite s'effondrer dans son canapé. Ouais, c'est ça, d'avoir un cadre et de mettre des barrières de sécurité, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà, et du coup, cette routine, en fait, c'était, tous les matins, je me lève, je sais que j'ai mes entraînements qui sont prévus, mmh. et ça me crée ma routine quotidienne, un peu comme si j'allais travailler, j'avais ma mission à préparer, en fait, quelque part. Bien sûr. Et c'est un peu ça que je retrouve dans la gestion, en tout cas dans la préparation de ces efforts. Et d'ailleurs, je dirais même que les événements en eux-mêmes que je prépare, ils sont top, hein, ils sont géniaux, ils me portent énormément le jour J, mais c'est toute la préparation en amont qui m'intéresse le plus, en fait. C'est le chemin pour y parvenir qui est hyper intéressant. C'est de se voir progresser, se rendre compte que son corps, il est capable d'encaisser des choses énormes, hein, vraiment incroyables. Et c'est cette découverte de soi qui est incroyable. Ah ouais, c'est fou. J'ai pu discuter récemment avec Beñat Marmisol. Beñat Marmisol, c'est un agriculteur du Pays Basque intérieur qui a gagné la Diagonale des Fous à La Réunion. Et on a évoqué justement cette préparation et ce fait de se dépasser de façon complètement intense, où lui m'exprimait le fait d'avoir quelquefois le goût du sang dans la bouche, tellement c'était dur, quoi. Et tu connais ça aussi, hein, je suppose? Ouais, tout à fait, mais on l'apprécie. Ouais, il y a des fois sur certains efforts d'intensité où on va chercher, et on dit, bah putain, là j'étais pas loin de. Ouais, c'est ça. J'étais pas loin de l'évanouissement. Ouais, c'est là où il faut faire un peu attention quand même, quoi. Ouais, mais on aime ça, en fait. Et t'es suivi justement médicalement par rapport à ça, ou? Non, pas spécialement. Pas du tout, pas spécialement. Bon, maintenant que tu t'entraînes, maintenant que tu vas aller à l'île de Ré le 13 juin, et on aura plaisir à te suivre, hein, sur ce T24. Est-ce que derrière, tu as un projet professionnel lié au sport? Il me semble t'avoir entendu en parler une fois, de pouvoir créer une salle. Oui, j'ai quelques idées en tête. Bon, c'est un peu loin, mais c'est vrai que maintenant que la thérapie a bien fait son travail, je suis encore dans une phase où j'apprends encore à me découvrir, parce qu'il y a un nouveau moi à appréhender, oui, finalement. Mais en tout cas, je suis suffisamment aujourd'hui stabilisé pour me projeter dans des projets de reconversion. Et donc, effectivement, à partir de janvier l'année prochaine, je partirai sur un projet de formation en coaching, d'abord sportif dans un premier temps, oui, bien sûr, c'est une bonne puis idée. Préparation mentale dans un second temps. Bien sûr. Et j'ai un projet par la suite, mais ça, je le garde un petit peu en tête à voir comment je le mettrai en place. Mais oui, j'aimerais bien ouvrir une structure par la suite. En tout cas, sur Radio Côte Basque et notamment dans l'Esprit Vivant, on reçoit pas mal de gens qui sont liés à la préparation mentale et autres. Et si vraiment tu as besoin, n'hésite pas. Nous, par le biais de la radio, on peut un, relayer si tu as besoin, et deux, te proposer de rencontrer des gens qu'on a reçus et qu'on va recevoir et qui peuvent t'accompagner dans ton projet, que ce soit sur la préparation mentale, mais également sur la préparation professionnelle de ton avenir avec des gens, ça peut être un comptable, un expert comptable qui puisse accompagner et rendre ton projet peut-être plus rapidement ou plus rapide à mettre en place. Donc, et ce sera avec plaisir, la vie est faite d'opportunités, il faut savoir les prendre. Bon, en tout cas, Adrien, vraiment, merci beaucoup. Dans Esprit Vivant, nous avons ce soir entendu une histoire de blessure, mais surtout une histoire de choix. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on choisit ce qu'on fait. Adrien aurait pu rester dans la colère, la perte, dans la nostalgie de l'avant. Il a choisi le mouvement. Sa blessure n'a pas mis fin à son engagement, il l'a transformé. Tu peux être ce témoignage qui nous parle tous par ces blessures qui ne sont pas toujours visibles, mais elles sont bien réelles. Merci Adrien pour ta sincérité, ton courage et cette énergie que tu nous transmets. Vous étiez sur Radio Côte Basque, dans Esprit Vivant. Continuez à transformer vos épreuves en élan. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les podcasts Radio Côte Basque. À très bientôt. Merci Adrien. Et si comme Adrien, justement, vous voulez venir vous exprimer au micro, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram, et également par mail à radiocotebasque@gmail.com.